L'actualité à Nancy et ailleurs. À Vendeuvre, la MJC Étoile accueille du 11 au 14 mars une nouvelle édition des Planches de l'Étoile, un festival de théâtre, de spectacle vivant ouvert à tous. Clément Sidir, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole pour ce grand rendez-vous? Oui, depuis le début, depuis 14 ans. Et vous faites aussi partie de la compagnie Incognito? Oui, je fais partie de la compagnie Incognito de l'Axou. Et on va y revenir parce que vous allez aussi être sur scène. Avant, peut-être présentons un peu l'histoire et puis l'ambiance qu'on peut retrouver au sein de ce festival des Planches de l'Étoile. C'est quoi? Alors, c'est un festival de théâtre amateur qui a été créé il y a 14 ans par Wilfried Morel. Et maintenant, il est repris par Jonathan André, donc, qui est coordinateur de l'organisation de ce festival. Et en fait, il regroupe pendant 4 jours des spectacles de troupes amateurs, du théâtre, du conte, de l'improvisation et du spectacle jeune public. Et c'est un spectacle jeune public d'ailleurs qui va commencer dès le mercredi à 14h30. Voilà, c'est la compagnie Bulle de Rêve avec Quoi qu'est la mer qui commence à 14h30. Et l'inauguration, elle, ce sera à 19h et un premier spectacle qui s'appelle Viens voir les comédiens avec les comédiens du festival. C'est une idée qu'on a eue cette année pour l'ouverture, c'était de mettre en scène différents comédiens de différentes compagnies qui font partie du festival ou qui sont résidents à la MJC Étoile. Et en fait, on a monté un spectacle avec un regroupement de sketchs qui traite du théâtre, des coulisses, des répétitions, des castings, etc. Après, on passe au jeudi, on aura le Théâtre des Sources qui présente un spectacle. Oui, donc là, c'est la troupe amateur d'Ounemont qui présente 3 petites pièces de Sacha Guitry. Donc c'est drôle et c'est enlevé. Et c'est pour tout public? C'est pour tout public. Le vendredi 13 à 19h, un apéro conte. Alors c'est l'atelier Contes en Chantier de la MJC Étoile qui tous les ans vient faire des contes. Donc ces contes sont suivis d'une petite grignoterie et qu'une boisson avant d'enchaîner sur le spectacle de 21h qui cette année est Tripaliard par la compagnie Mosellane, la compagnie des complices. Et la soirée ne s'arrête pas là, parce que je crois qu'après on peut avoir un peu de musique. Alors oui, donc on a essayé de remettre au goût du jour une troisième partie de soirée avec un concert des FUNF 4 Tête. C'est un groupe local aussi qui fait des reprises de chansons françaises. C'est vraiment très très très très bien pour les avoir vus en scène. Ça a vraiment la patate. Et en plus, le concert est gratuit et se déroulera dans le bar du festival. Voilà. Ensuite, on passe au samedi 14 mars. Là aussi, à partir de 19h, il se passera des choses. Alors, à 19h, c'est la compagnie d'improvisation TNTB qui est en résidence à l'MJC Étoile, suivie de notre compagnie Incognito. Nous jouons Culotté, d'après la bande dessinée de Pénélope Bagieux. Donc, 15 femmes en scène pour défendre la cause des femmes. Vous êtes depuis l'origine de ce festival, les Planches de l'Étoile. Vous l'avez vu évoluer. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Faire un festival, c'est toujours apporter la culture. Alors là, à Vendeuvre, plus spécifiquement, même si on a vraiment beaucoup de mal à toucher les gens du quartier, c'est vraiment ce qui nous chagrine le plus, parce qu'on aimerait vraiment que les gens du quartier puissent venir assister au spectacle. Faire du théâtre, c'est s'ouvrir au monde, c'est la culture, c'est apporter plein de choses. Et une solution pour faire venir du monde et assister au spectacle, c'est de rendre ça accessible, notamment au niveau des prix des places, et c'est ce que vous essayez de faire. Oui, c'est vrai que c'est vraiment des tarifs attractifs pour que chacun puisse venir au théâtre, en plus pour voir des spectacles de qualité. C'est pas parce que ce sont des troupes amateurs que le spectacle n'est pas de qualité, bien au contraire. Pour 10 euros, ils peuvent voir un spectacle, et le vendredi et le samedi, il y a même une formule à 15 euros où ils peuvent bénéficier de l'apéro conte ou l'apéro impro, d'un petit encas, d'une boisson, et du spectacle de 21h, donc pour 15 euros, c'est donné. D'autant plus que c'est vraiment donné pour les enfants de moins de 12 ans. Et en plus, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. On aurait tort de s'en priver. Hein. Tout à fait. Et c'est encore moins cher si on est adhérent de la MJC. Et encore, voilà. Alors si on veut participer, c'est peut-être bien de réserver sa place? Alors c'est bien de réserver parce que la jauge est quand même pas énorme. Hein. On est sur 130 places maximum. Donc il faut appeler la MJC Étoile et pour réserver ses places. Après, on peut aussi venir le soir même, mais au risque de trouver jauge pleine. Voilà, donc on peut déjà téléphoner au 03 83 55 53 35. Il y a bien entendu le site mjc-étoile.org. Il y a aussi un Facebook des Planches de l'Étoile. Oui, il y a un Facebook de Planches de l'Étoile pour avoir toute l'actualité jour par jour du festival. Clément Sidir, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette 14e édition? mais on nous souhaite d'avoir beaucoup de public parce que c'est vraiment des spectacles de qualité, comme je l'ai dit, et en plus diversifié, donc d'avoir du public, que les gens viennent au théâtre. Il faut venir au théâtre. Rendez-vous du 11 au 14 mars à l'MJC Étoile, c'est au 14 rue d'Amsterdam à Vendeuve. Merci Clémence. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.